On va parler d'un gros tournoi de hockey qui va se dérouler à Normandie au cours de la fin de semaine. C'est le tournoi familial. C'est la, je pense, c'est la 32e édition. Quoi qu'il en soit, on va parler avec un des responsables, Dominique Saint-Pierre. Salut, Dominique. Salut. Dominique, si on parlait de cette... c'est la 32e édition, c'est ça? Non, c'est la 24e édition. OK, la 24e édition. C'est le nombre d'équipes, un record, je pense. Oui, 32 équipes, c'est un record. Normalement, le maximum qu'on avait eu, c'était jusqu'à 30 équipes. OK. Puis cette année, on a 32 équipes, puis on joue dans trois arénas, principalement Normandin. OK. On joue 16 matchs à Girondville, puis on en joue 3 à La Dorée aussi. OK. Comment t'expliques ça, cette montée fulgurante de ce tournoi-là? Ben, c'est un tournoi qui est vraiment familial. Les équipes ont le droit seulement à 2 orphelins. Okay. C'est une formule que les participants aiment. C'est vraiment amical, comme je te disais, en plus d'être familial. Les parties sont vraiment pas nécessairement longues. Mais le monde, ils vont là pour s'amuser, pour fraterniser avec leur famille, avec leur parenté, les amis qui fait longtemps qu'ils n'ont pas vu aussi. Donc, c'est un vraiment gros rassemblement, un gros happening, puis le monde aime ça. De plus, on peut dire qu'on a un souper samedi soir qui réunit toutes les équipes. Donc, le monde vient pour prendre une bière ensemble, s'amuser. Le hockey, c'est l'événement qui fait bouger le monde, mais le monde, ils veulent plus se voir et s'amuser. Est-ce que ça veut quand même gagner? Oui, c'est sûr qu'un coup rendu sur la patinoire, ouais, il y a une rivalité qui s'installe, puis le monde, ça joue au hockey, mais dans l'ensemble, c'est vraiment fair play. Le monde, il se respecte, puis ça joue. Un coup, c'est fini, ben oui, on va prendre une bière ensemble, ça jase. Non, l'ambiance est vraiment, vraiment, vraiment amicale. Puis c'est ce qui fait que le tournoi est couru par plusieurs équipes, okay, même que des équipes que, à chaque année qui se rajoutent. Ben, c'est ça que je voulais en venir maintenant. Est-ce que des équipes viennent de où? Hein? Est-ce que c'est toute la région ou est-ce qu'il y en a un peu partout? Ben, toutes les familles sources, je te dirais que c'est tout du secteur, là. Secteur Normandin, ouais. Daniel Girondville dans ce secteur-là. Sauf que cette année, on a une équipe de Bolduc qui vient de l'extérieur, qui vient de la région, mais qui vient peut-être de Péribonka ou peu importe. Il y a des équipes qui se sont rajoutées, des Grimards, une équipe d'Asselin, une équipe. Il y a plein d'équipes qui se rajoutent comme ça. Donc, c'est du monde qui viennent principalement d'ici, originaires d'ici, mais okay, qui ont de la famille des fois un petit peu partout. Là. OK, OK. Mais c'est une belle retrouvaille. Donc, ce que tu es en train de me dire là, c'est une activité de retrouvaille. T'sais, je pense entre autres à Dolboum Cessny actuellement qui va vivre des retrouvailles pour leur 125e. À quelque part, quand tu vois 32 équipes, il y a du monde là-dedans que c'était des amis, là, à l'école, oui, et ainsi de suite, là. C'est 32 équipes, 32 familles qui viennent principalement d'ici, mais que t'as des familles qui ont du monde, des fois, dans d'autres catégories aussi, puis que c'est leurs amis, fait que c'est vraiment un gros retrouvaille, puis le souper du samedi soir fait en sorte que tout le monde se retrouve pour s'amuser, puis parler du tournoi, puis... C'est vraiment une belle fin de semaine. OK. Si on y allait maintenant ça va commencer à quelle heure? On commence le vendredi soir à 6h à Normandin et à Girondville. OK. Et les parties se déroulent au centre sportif de Normandin jusqu'à... La dernière partie est à 2h du matin, donc ça va jouer jusqu'à 3h. Mm. Puis à Girondville, ça joue jusqu'à 1h du matin. OK. Puis à Normandin aussi, le vendredi soir et le samedi soir, on a un chansonnier, Grouvin, je pense, okay, qui viennent en haut nous mettre une ambiance de fête pour toute la fin de semaine aussi. Okay. Donc, c'est vraiment une fin de semaine familiale. On a un chansonnier aussi le samedi après-midi, dimanche après-midi dans l'art d'entrer à l'aréna pour accueillir le monde. On donne des... Monsieur Bonbon, on va être là pour donner des bonbons. On a des clowns, on a des poules en chocolat. C'est vraiment festif. OK, OK. Okay. Ben, Dominique, un gros merci. On se reparle. On se peut-être parler un autre tantôt. Et bonne chance pour le tournoi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le prix d'entrée, en passant, j'avais oublié ça. Le prix d'entrée de combien pour les gens qui veulent assister? Y a-t-il un prix d'entrée? Non, il n'y a aucun prix d'entrée, okay, pour assister à l'aréna. C'est vraiment complètement gratuit. Ce qu'on veut, c'est avoir plus de monde qui viennent nous voir, qui viennent parler, voir du beau hockey. Il y a 5 catégories de A jusqu'à E. Il y a 32 équipes, donc beaucoup de fun en perspective. Ben bravo, puis bravo pour l'initiative. Merci beaucoup. Dominique Saint-Pierre, un des responsables du tournoi de la famille qui va avoir lieu en fin de semaine à Normandie.